Hello. Bonjour, qui j'en ouye? Bonjour, qui j'en ouye? Goodbye. Où aller? Où aller? See you tomorrow. À demain si Dieu veut. À demain si Dieu veut.